Dans les jours qui suivent, le Nautilus s'arrête non loin d'un lac d'origine volcanique pour s'approvisionner en sodium, base de son électricité. Ned en profite pour aller ramasser du miel sur une ruche plantée au bord du cratère et chasser avec difficulté une outarde. Le lendemain, le Nautilus, ayant quitté son port d'attache, naviguait au large de toute terre et à quelques mètres au-dessous des flots de l'Atlantique. Le capitaine Nemo maintenait le cap vers le sud. La mer des Sargasses, véritable lac en plein Atlantique, couvre toute la partie immergée de l'Atlantide. Telle était cette région que le Nautilus visitait en ce moment. Pendant cette partie du voyage, nous naviguâmes des journées entières à la surface des flots. La mer était comme abandonnée. À peine quelques navires à voile et un baleinier qui nous prit sans doute pour quelque énorme baleine d'un haut prix. Des troupes élégantes et folâtres de dauphins nous accompagnèrent pendant des jours entiers. De son côté, Conseil classa une grande quantité de poissons volants. Jusqu'au 13 mars, notre navigation se continua dans ces conditions. Ce jour-là, le Nautilus fut employé à des expériences de sondage qui m'intéressèrent vivement. Le capitaine Nemo résolut d'envoyer son Nautilus à la plus extrême profondeur afin de contrôler différents sondages réalisés par d'autres.